fabrication, bombe artisanale, attentat, détruire gouvernement, USA, complot, pirater ordinateur, CIA, murder, George W. Bush, kill, achat en ligne, arme bactériologique, inscription Al-Qaïda, carte de membre, conseil détourné, un avion, adresse, magasin, arme de destruction massive, matériel pour organiser coup d'État, Oussama Ben Laden, fan club, contourner dispositif sécurité aéroport avec liquide dans chaussures, trafiquer français X, Jacques Chirac, missile gaz sarin, secte espionnée, assassinat, destruction siège ONU, OAS, tué Raffarin, attentat poignardé Mara, site vente en ligne Anthrax, SMS piégé, autodestruction Nicolas Sarkozy, piraté site officiel, fan club Johnny Hallyday, Las Vegas, triché, Patrick Bruel, poker.